Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Canada et la marijuana. Sur la terrasse en arrière de la maison, il y a quelqu'un qui avait un joint. Il l'a allumé, on l'a passé. J'ai pris une puff. Je ne consomme pas du cannabis. Je ne suis pas un grand consommateur du tout. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, le 22 août 2013, bien avant d'être élu premier ministre du Canada, qui confesse avoir déjà fumé de la marijuana tout en se défendant, vous l'avez entendu, d'être un consommateur régulier de cannabis. Justin Trudeau, évidemment, n'est pas le premier politicien à s'être fait demander s'il avait déjà fumé du cannabis, mais il fait partie de ceux, de plus en plus nombreux, à s'être engagés sur la voie de la légalisation de la marijuana. Les drogues qui ont été criminalisées étaient d'abord les drogues étrangères à notre économie, c'est-à-dire les drogues dans les pays du tiers-monde, parce que, un, ils faisaient concurrence à nos produits pharmaceutiques, parce qu'à l'époque, on guérissait beaucoup avec des produits dérivés de ces drogues-là qui sont maintenant interdites. Deuxièmement, ben, la guerre à la drogue, c'était fort pratique pour discriminer certains groupes qui consommaient ces drogues. Alors, la marijuana, c'était les Mexicains à l'époque. La cocaïne, ça a été les Noirs. L'opium, c'était les Chinois. Alors, des groupes qui vivaient dans des ghettos pauvres et qui consommaient ces drogues, alors ça a été fort utile pour dire que tous leurs problèmes ne viennent pas des conditions socio-économiques, mais viennent de la consommation des drogues. Et en plus, bon, un ennemi pour canaliser les peurs de la population et pour justifier des actions, c'est fort pratique. Alors donc, les drogues ont joué un rôle un petit peu à tous ces niveaux-là. La criminologue Lynn Beauchesne, qui énonce quelques motifs plus ou moins cachés derrière la guerre aux drogues menée par les gouvernements au cours de l'histoire, extrait de l'émission « Signe des temps » du 3 novembre 1991, pour nous raconter l'histoire de la criminalisation des drogues au Canada et du cannabis en particulier. Mon invité, Marcel Martel, titulaire de la chaire A.V. Bennett Historica Canada en histoire canadienne à l'Université York de Toronto. Marcel Martel, bonjour. Bonjour. C'est en 1923 qu'on va criminaliser la marijuana et d'autres substances d'ailleurs au Canada. Avant cette date, Marcel Martel, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, avant cette date, l'opium était utilisé. En toute légalité. Ah oui, le cannabis était utilisé. La cocaïne était utilisée parce qu'on y attribuait certaines vertus médicales. Donc, on les utilisait. Par ailleurs, bien des gens croyaient que non, ces drogues, c'est dangereux et puis on devrait les criminaliser. Et puis, graduellement, ils ont réussi à mobiliser suffisamment de gens et surtout à les convaincre qu'effectivement, les drogues qui ne sont pas prescrites par un médecin, ce sont des drogues qui sont dangereuses. Donc, parce qu'elles sont dangereuses, l'État a le devoir de les interdire. Et donc, c'est ce contexte, ce début de grogne qui va mener... il y aura une campagne, en fait, qui va s'organiser, qui mènera éventuellement à la criminalisation en 1923. L'une des figures importantes de cette mouvance, c'est l'Albertaine Emily Murphy. Ça vaut la peine qu'on s'y arrête deux minutes. Parlez-moi d'elle. Qui est-elle? D'abord, on la connaît parce qu'elle a joué un rôle important dans la bataille pour l'obtention du droit de vote des femmes. Ce que l'on connaît un peu moins, c'est sa carrière comme juge, parce qu'elle a œuvré en Alberta. Et lorsqu'elle est devenue juge, elle est devenue là préoccupée par, justement, la consommation de drogues telles que l'opium, la marijuana, etc. Elle va même se rendre, par exemple, à Vancouver pour aller dans des endroits où on consommait l'opium pour visualiser, pour voir les effets de ce qu'elle croyait, les effets néfastes de l'opium. Donc, elle fait carrément une manière d'enquête terrain. Ça va déboucher d'ailleurs sur un livre qui va être important aussi dans cette campagne, dans cette croisade pour criminaliser la marijuana. Ce livre-là s'appelle « Black Candle ». Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Ce que Murphy nous présente dans son livre, c'est justement, c'est-à-dire les effets épouvantables de ces drogues telles que l'opium et là surtout la marijuana. Et c'est vraiment écrit dans un style apocalyptique, dans un style où lorsque vous fermez le livre, votre réaction, c'est de dire « je ne peux pas comprendre que le gouvernement ne fait rien pour criminaliser ». Si cette substance est aussi dangereuse, et ce qui aide à convaincre le lecteur, c'est que c'était écrit par une juge, c'était écrit par quelqu'un qui avait enquêté, une enquête sur le terrain. Donc, en termes là, de technique de persuasion, Murphy avait été très efficace. Donc, ça va avoir un grand impact, la publication de ce livre-là. Je pense que ce qu'elle fait comme lien, puis elle n'est pas la seule aussi, quand elle parle du danger de la consommation de drogue, c'est aussi le danger, bon, pour la personne qui consomme, mais pour les autres, pour la population. On fait à ce moment-là un lien, Marcel Martel, entre les usagers de drogue et la commission de crimes graves. C'est un peu ça la logique, là, l'équation qui est tracée par Emily Murphy. Mais il y a toute une série d'articles qui vont être publiés, un film qui va être réalisé dans les années 30 aux États-Unis. C'est un peu ça l'air du temps. Voilà, c'est-à-dire que l'idée était de dire, écoutez, oui, la vie est difficile, mais il est inacceptable de tenter d'échapper aux difficultés de la vie en consommant des drogues. Et que se produit-il lorsque vous consommez des drogues? Eh bien, vous n'avez plus conscience de ce que vous faites et vous allez justement commettre des crimes. Vous allez peut-être battre les membres de votre famille, votre épouse, votre époux, etc. Et c'est malsain. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous laisser aller sous l'effet de la drogue. Donc, on va faire là une belle équation entre consommation de drogue et criminalisation. Et en réaction, eh bien, l'idée, c'est si on l'interdit, si l'État assume ses responsabilités et interdit, nécessairement, la société en général va être non seulement mieux, mais on va tous et chacun, on va œuvrer pour construire un monde meilleur. En même temps, dans quelle mesure on est dans les années 20? Dans quelle mesure la consommation de drogue est répandue est un sujet réel de préoccupation? Ce n'est pas un sujet réel. C'est ce qui est extraordinaire lorsqu'on étudie les politiques en matière de criminalisation des drogues. Souvent, la peur a été exagérée. Et il faut lever notre chapeau à ces gens qui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas quand même leur prêter des intentions malsaines dans la mesure où souvent ces gens-là étaient sincères, mais souvent ces gens-là avaient des connaissances inadéquates. Oui. Mais ces gens-là utilisaient le pouvoir de la parole, le pouvoir de l'écriture pour exagérer la menace en disant, écoutez, ça vous prend combien là, d'individus intoxiqués avant d'agir? Donc, ces gens-là ont une capacité de mobilisation. Et ce qui va les aider, par exemple, au moment de la criminalisation de la marijuana, le premier ministre de l'époque, c'est Mackenzie King. Mackenzie King, c'est quelqu'un qui est très sensible à ces mouvements de prohibition, hein, prohibition de drogue. Quelques années avant, on avait eu la prohibition de l'alcool pour des motifs similaires, en disant, écoutez, l'alcool, vous pouvez commettre là, d'horribles crimes, vous pouvez battre votre épouse, vos enfants, etc. Donc, c'est une période au cours de laquelle les gens cherchent à construire un meilleur monde et ils ciblent les drogues, par exemple, en se disant, si on peut s'en débarrasser, eh bien, on va faciliter la vie dans les familles, puis les gens vont être plus productifs et il y aura moins de criminalité et notre société sera meilleure. Donc, c'est criminalisé. La loi est adoptée criminalisant la marijuana en 1923. Que prévoit cette loi-là? Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la substance en tant que telle, c'est ce qu'on en fait. Donc, si vous possédez, si vous en cultivez, si vous en importez, si vous en exportez, eh bien, ce sont des gestes criminels. Et puis, quelle est la responsabilité de l'État? Eh bien, c'est de vous arrêter et vous allez faire face aux conséquences de la loi. Et il faut dire aussi que ce que le Canada fait, eh bien, ça fait partie d'une démarche aussi internationale. Les Américains l'ont fait et puis les Américains et le Canada vont mobiliser la communauté internationale pour s'entendre dans le cadre de conventions pour justement criminaliser la marijuana. Et ça vise d'autres substances, pas que la marijuana non plus, cette première loi déjà de 1923. Élément intéressant parce qu'il y aura tout au cours de cette histoire des éléments sociétaux, des éléments de racisme. La loi de 23 cible la communauté asiatique. Oui, et je suis heureux qu'on en parle parce qu'il y a un élément raciste qui est très important. Donc, dans le cas de la communauté asiatique, c'était l'opium. Parce qu'on disait que c'était les Chinois qui avaient amené l'opium au Canada. Puisqu'on est à l'époque, là, on vit des moments, des tensions très importantes. Hein? Bien, des groupes de Canadiens disent haut et fort, écoutez, les Asiatiques, on ne devrait pas les accueillir. Ils amènent des drogues. Marijuana, on visait, par exemple, la communauté noire, parce qu'on disait que c'est la communauté noire qui a amené la marijuana. Donc, c'est une manière de dire, écoutez, si vous voulez construire une meilleure société, eh bien, il faut se débarrasser des éléments qui contribuent à la corrompre. Donc, vous avez les Asiatiques, vous avez les Noirs. On plonge en plein racisme. Oui. Et malheureusement, ces discours n'étaient pas sanctionnés, condamnés. Au contraire, on les utilisait pour passer à l'action. Il y aura une première saisie. Parce que c'est intéressant de voir aussi comment les forces de l'ordre vont faire appliquer ou pas la loi. Parce que ça aussi, ça va être récurrent dans l'histoire de la légalisation et de la criminalisation des drogues et de la marijuana. Première saisie de cannabis en 32. Comment les autorités, justement, est-ce qu'elles le font avec sérieux? Est-ce qu'elles font appliquer la loi? Est-ce qu'elles luttent contre le trafic de drogue avec sérieux? Ou est-ce qu'il se fait, d'ailleurs, ce trafic de drogue? C'est-à-dire, tout dépend, j'allais dire, de la détermination des forces policières. Donc, par exemple, certaines villes, pour une courte période de temps, écoutez, il y a vraiment une guerre aux drogues, et ça s'explique parce que vous avez un chef de police qui est convaincu que la drogue, c'est une menace. Mais souvent, c'est en réaction aux pressions populaires. Les gens qui disent, écoutez, il y a une loi. Ouais. La loi devrait être respectée. Qui est responsable du respect des lois? Ce sont les forces policières. Et ça, lorsqu'on regarde la manière dont les lois en matière de criminalisation des drogues ont été mises en application, il ne faut pas oublier le rôle déterminant de Monsieur Tout-le-Monde, de Madame ouais. Tout-le-Monde, et les pressions qu'ils vont exercer sur les forces policières. Les années 60 arrivent, évidemment. Les années 60, c'est l'ère du peace and love, de la drogue, du sexe et du rock'n'roll. Tout ça a commencé sur les plaines d'Abraham. La chicane a poigné, comment j'ai chapelé. Mais depuis ces temps-là, t'as pas beaucoup changé. Je te trouve bien magané, puis encore bien poigné. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose. Premièrement, ça double mes sens. Alors, alors la musique est deux fois plus belle qu'elle était. Je vois beaucoup plus d'affaires, de toute façon. La drogue, pour moi, ça représente un moyen d'évasion. Parce que c'est facile, la drogue, c'est facile. C'est comme prendre un verre de bière, c'est facile. Bon, t'as du fun, bon, ben là, tu retombes, puis tout à fait, tu repars. Limite à la marijuana, pour pas, c'est beaucoup plus psychologique que physique. Puis cet esclavage psychologique-là te pousse à en prendre du plus fort, puis à ce moment-là, ça devient de l'esclavage physique comme l'héroïne. Mais ça me donne... Je sais que ça me donne rien, et ça va me détruire si je continue à prendre les drogues. J'ai fumé parce qu'à un moment donné, tout allait mal, puis tout ça. Alors je me disais, tu sais, comme... Bon, ben, je vais prendre ça, ça fait du bien, puis ça m'a fait du bien quelquefois. Puis ça me fait du mal aussi, quelquefois. Ça m'intéresse pas tant que ça, l'acide. Je me limite au H puis au pot, tu sais. C'est pas plus grave que ça. En deux joints, tu pourrais faire des choses. En deux joints, tu pourrais grouiller du. Sur la chanson « En deux joints » de Pierre Bourgault et Robert Charlebois, on entendait un extrait du film « Wow » de Claude Jutras. Les années 60, Marcel Martel, c'est donc une consommation assez répandue. Là, ça devient, c'est à la mode. C'est une pratique assez commune de fumer de la marijuana. Oui, et vous avez des gens qui vont même l'encourager. Par exemple, le poète américain Allen Ginsberg, qui va dire, écoutez, décriminalisez, légalisons plutôt la marijuana. Parce que c'était, hein, l'époque, les années 60, l'idée là, de contester l'ordre oui. social, l'idée de remettre en cause les prohibitions. Et surtout, dans le cas de la marijuana, les gens vont se demander, écoutez, avez-vous des études médicales qui démontrent que la marijuana constitue un danger important? Et puisque la communauté médicale était divisée, certains médecins mentionnaient qu'il y avait très peu d'études, donc il faudrait peut-être étudier les effets de la marijuana avant de condamner cette substance, alors que d'autres médecins disaient, écoutez, on ne peut quand même pas là, décriminaliser ou légaliser une substance quand on en ignore les effets. Donc, devant ce débat qui divise la communauté médicale, eh bien, les jeunes disent, écoutez, l'establishment médical est divisé. Donc, si l'establishment médical, pourquoi on croit ceux qui croient que la marijuana est extrêmement dangereuse? Oui. Pourquoi ne pas croire les autres qui croient plutôt que la marijuana n'est pas aussi dangereuse que des drogues qui sont prescrites par des médecins. Et ces drogues-là peuvent conduire, si on en abuse, peuvent conduire à des suicides, par exemple. Puis vous avez, vous prononcez bien le fameux mot plusieurs fois, vous avez parlé d'establishment. C'est de ça dont il est question aussi. C'est la contre-culture des années 60. Fumer son joint, c'est faire un doigt d'honneur à l'establishment politique, médical, quel qu'il soit, en fait. Il y a ça dans l'équation. C'est ça. Et surtout, on va dénoncer ce qu'on appelait l'hypocrisie. Parce qu'au même moment, vous aviez des groupes de chercheurs qui disaient, écoutez, le Canada a un problème avec les drogues, mais ce n'était pas la drogue auquel vous pensez. Le problème auquel le Canada est confronté, c'est la consommation d'alcool. Parce qu'à l'époque, on consommait l'alcool. C'est une drogue, mais dans l'esprit des gens, ce n'était pas une drogue. Ça faisait partie des mœurs de l'époque, etc. Donc, les jeunes, les hippies, vont dénoncer ce qu'ils appelaient cette hypocrisie en disant, regardez l'alcool, hein. Oui. Vous pouvez commettre des gestes horribles sous l'influence d'alcool, et puis bon, l'attitude, c'est de l'accepter, alors que dans le cas de la marijuana, vous y allez de manière dure. Oui. Ça fait son chemin, quand même, ce discours de cette jeunesse qui questionne la façon dont l'establishment et ce deux poids, deux mesures qui touche alcool et drogue. Ce qui fait qu'en 69, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau décide de créer une commission d'enquête sur l'usage de drogue à des fins non médicales. Pourquoi il décide de créer cette commission-là? C'est qu'on parlait énormément des effets de la marijuana et une réalité à laquelle les parents ont été sensibilisés, c'est qu'il y a bien des jeunes qui se faisaient arrêter et on était peinés en se disant, écoutez, c'est une erreur de jeunesse, sauf que c'est une erreur de jeunesse qui coûte cher parce qu'il y a un dossier criminel, etc. Donc, devant les conséquences juridiques de l'acte de fumer, bien des gens disaient, écoutez, peut-être que c'est un bel exemple de la peine qui, ou plutôt de la sanction qui n'est pas adéquate vis-à-vis la peine. Donc, on va créer cette commission d'enquête et on va tenter là, de réunir un maximum d'informations pour répondre à cette question importante. Y a-t-il des dangers pour la santé, dangers à court terme, moyen terme et long terme? C'est intéressant parce que autant vous nous disiez c'est la pression populaire qui fait que la police va agir à un moment donné, autant c'est la pression populaire qui fait que le premier ministre Trudeau décide de mandater une commission d'enquête sur cette question-là. La criminologue Marie-Andrée Bertrand a elle-même siégé à cette commission Le Dain. Elle en parle à l'émission De l'opium au chocolat en 1986. Notre commission, à mon avis, a été privilégiée par les médias. Elle a été très, très bien traitée par les journaux, par la radio, par la télévision. Bon, la commission s'est déroulée là, de 69 à 73. Des sondages ont estimé le degré d'information des Canadiens dans les années 75, 76, 77, 78, précisément, par exemple, au moment où la France, elle, émettait son propre rapport sur les drogues, appelé le rapport Pelletier. À ce moment-là, en 78, où d'ailleurs la Nouvelle-Zélande, ou d'ailleurs la Hollande, avaient elles-mêmes des rapports sur la drogue aussi et des commissions d'enquête, le Canada était de loin le pays le mieux, dont les citoyens étaient le mieux informés, faisaient les distinctions les plus subtiles sur ces questions, ne confondant plus drogue douce, drogue forte, sachant que la nocivité, c'est une notion relative, que le tort n'est peut-être pas un tort qui dure jusqu'à la fin des jours, ainsi de suite. Donc, au fond, notre commission a eu, à mon avis, au niveau de l'information, un effet très important. Au niveau de la législation, non, vraiment. Alors, qu'est-ce que ça va donner, concrètement, cette commission, Marcel Martel? C'est-à-dire, on a déposé un projet pour décriminaliser, mais malheureusement, le projet est mort, c'est-à-dire au feuilleton. Le pourquoi que le gouvernement n'a pas agi, c'est qu'on n'estimait pas qu'il y avait un consensus favorable à la décriminalisation. On ne parlait pas de légalisation, à la décriminalisation. Ouais. Donc, 1975, le projet meurt au feuilleton. Ouais. Puis il y a un voisin aussi, parce qu'il y aura des... Les gouvernements canadiens seront tentés d'assouplir les règles dans les années 70-80, mais au sud, il y a dans les années 70 Richard Nixon, dans les années 80 Ronald Reagan, qui vont mener une guerre sans merci à la drogue. Ça a un effet, j'imagine, sur ce qui se fait ici. Oui, par exemple, Nixon, lorsqu'il lance sa guerre aux drogues, eh bien, il ferme les frontières américaines avec le Mexique, la frontière partagée, pendant quelques jours. Et le pourquoi qu'il impose cette fermeture, c'était pour forcer le gouvernement mexicain à poser des gestes importants en matière de répression des drogues. Donc, bien entendu, le gouvernement canadien regarde ce qui se fait au-dessus de la frontière et on craignait que la même chose se produise. Années 90-2000, première brèche sur la consommation pour fins médicales. Comment on en arrive à cette ouverture? C'est-à-dire toute cette question de pouvoir fumer de manière à, c'est-à-dire alléger les symptômes de certaines maladies, entre autres ceux qui étaient atteints du sida, eh bien là, il y a un nouveau, c'est-à-dire de nouvelles études qui viennent faire un lien entre consommation de marijuana et puis alléger les symptômes, que ce soit maladie, la sclérose en plaques ou le sida. Donc ces gens-là vont interpeller les tribunaux en demandant d'avoir, c'est-à-dire le droit de fumer de la marijuana. Et les tribunaux vont rapidement dire, écoutez, c'est une question politique, c'est pas une question juridique. Si vous voulez que le statut de la marijuana soit changé, c'est les politiciens. Donc, allez frapper aux portes des politiciens. Sur la terrasse en arrière de la maison, il y a quelqu'un qui avait un joint, il l'a allumé, on l'a passé. J'ai pris une puff. Je ne consomme pas du cannabis, je suis pas un grand consommateur du tout. Effectivement, un député devrait respecter les lois, mais un des enjeux que j'ai, c'est que pour beaucoup de gens et pour beaucoup de scientifiques et pour beaucoup de raisons, je propose qu'on change ces lois-là, justement parce que pour beaucoup de gens, cette loi-là ne répond plus à la réalité qu'ils sont en train de vivre. Il y a assez de documentation et d'études qui disent que on est tout simplement en train de fournir des revenus pour les gangs criminels. Le Justin Trudeau qu'on vient d'entendre, il est chef du Parti libéral en 2013. C'est la date de l'extrait qu'on vient d'entendre. Justin Trudeau prendra l'engagement à la campagne électorale de 2015 de légaliser la marijuana. Ça s'inscrit, Marcel Martel, dans un contexte occidental où il y a ce mouvement de libéralisation, décriminalisation, légalisation. Qu'est-ce qui conduit à ce mouvement-là? C'est que, à la fois les mœurs sont changées, mais c'est surtout quand il y a de plus en plus de preuves qui incitent à croire qu'il y a des effets bénéfiques pour la santé si vous fumez de la marijuana. Et les États-Unis jouent quand même un rôle important parce que, comme on le sait, il y a plusieurs États américains qui ont soit légalisé la marijuana ou qui l'autorisent à des fins médicales. Il faut maintenant regarder ce que le gouvernement fédéral a l'intention de faire, puisque le gouvernement a déposé, n'a pas encore déposé, mais il y a eu un rapport qui a été déposé là, concernant la légalisation de la marijuana. Ça, c'est l'histoire qui reste à être écrite. Il faudra en reparler dans quelques années. Marcel Martel, titulaire de la chaire A.V. Bennett, Historica Canada en histoire canadienne de l'Université York de Toronto, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Patrick Knoop. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.